¿Cómo tú te llamas, Masabi? ¿Cómo tú te llamas, Masabi? What is your name? Listen to me. ¿Cómo tú te llamas, Masabi? Un, deux, un, deux. Yes, yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 57e épisode du désormais très célèbre No Form Grooves Eclectique présenté par la Société des Ambianceurs. Voilà, donc ce soir, avec un peu de retard, nous entamons ce premier segment du double épisode que l'on va consacrer au Bantou de la capitale. Voilà, l'un des, ou alors le plus vieux groupe de musique africaine. Toujours en activité, donc bien sûr avec une formation qui a changé au cours de ces presque 60 dernières années. Voilà, on va essayer de passer leur son on va passer de la musique déjà pour commencer. Je vais arrêter de parler, ça va être bien comme ça. Donc voilà, donc ce 57e épisode du No Form Grooves Eclectique consacré au Bantou de la capitale. C'est parti. bezali mabe miso etala makambo bongo matoye yo kakao kolo bezali mabe miso etala makambo bongo matoye yo kakao nasileka ya bantu tabeti engombi maria ya tato yo kao kolo bezali mabe miso etala makambo bongo matoye yo kakao kolo bezali mabe miso etala makambo bongo matoye yo kakao. De l'homme et ndenge la bandu wapi. Solo na kombo ya moninga soki elekie ekomi de mabe soki bolingi kopesa nde toli kopesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa. Isolo na kombo ya Monica soki elekie ekomi nde mabe soki bolingi kopesa nde toli kopesa na malembe po ekotela ye kasi ya koseke kotonga kofinga soki eluti ye ekomi nde mawa nakowela te alikambo oyo nakowela te noki na kokondo nakowela te alikambo oyo nakowela te mama akosilika nakowela te alikambo oyo nakowela te noki na kokachwa nakowela te nalikambo oyo nakowela te noki nde etumba. Kozela yo maswa makombi mosika kama ya miso ebimi kati lokola sango etambola kokende libela te oyo tiki biso na beya lokola yo moko oloba nyonso nde lokuta ezali kotambola basango ya mabe evi nakomi nde koluka moye po batika koloba tenga na kolimwa yo evi nakomi na motema oyeba tenga na lingi yo evi opekisa bango sango na ngai etambola na kolakisa ndenge balingaka masomake ye akanisi mingi o sheri oyebaka nde natikali soki maswa mazongi o olakisa ndenge olingaka ngai nakomi nde koluka moye po batika koloba tenga na kolimwa yo emi nakomi na motema oyeba tenga na lingi yo emi opekisa bango sango na ngai etambola na kolakisa ndenge balingaka Yeah. aya mbanda na ngai alinga sango akeli balande ya bolingo ya kisi oyo nde mawa tozali awa na mokili moto na nzoto na ye moto na ezaleli na ye tozali sekomeka nzoto na mabala oyo titunda makambo banda na nga akoti libala nsima na ngai aluka nde amatela ngai mosala ya ndako koyeba te mobali abengani ye akote libanganga kokangisa kombo na ye po te azongela ye tozali awa na mokili moto na nzoto na ye moto na ezaleli na ye tozali sekomeka nzoto na mabala oyo bitonda makambo banda na nga akoti libala nsima na ngai aluka nde amatela ngai mosala ya ndako koyeba te mobali abengani ye akote libanganga kokangisa kombo na ye po te azongela ye banda na nga akoti libala nsima na ngai aluka nde amatela ngai mosala ya ndako koyeba te mobali abengani ye akote libanganga kokangisa kombo na ye po te azongela ye ayayaya aya banda na ngai alinga sango akeli bala nde ya bolingo ya kisi oyo nde mawa ayayaya aya bolingo ya kisi eumela te o ntongo pokwase koswanaka mbanda akangi bisaka elombe mbanda alobaki apiki dalapo ngape napikaka noki te akoseke ngai ya lelo esuki wapi ye na mobali ngai oyo nagani eloteri ayayaya aya mbanda na ngai alinga sango akeli bala nde ya bolingo ya kisi oyo nde mawa ayayaya aya bolingo ya kisi eumela te o ntongo pokwase koswanaka mbanda akangi bisaka azalaki kodonwela ngai ngako mabe ya mbila elengise mosaka batalaka nga ata miso te o lelo oyo nagani eloteri ayayaya aya mbanda na ngai alinga sango Nakeli balande ya bolingo ya kisi oyo nde mawa. Aya ya ya, aya bolingo ya kisi umela teo. Tongo pokwa seko swana kambanda kangi bisaka. Yo na lingaka azwa kambongo mingi te mama wana katana yo alobina nga motema batinda kase kare niboye oyongana oyingana Oye, koya lobi, oye, bitebu. Dame. peo mokile tonga makambo likambo ekoyanga ni ayebi yo solila ngai awa tozali na bomoi tolingana pe toyokana nzambe mokile tonga makambo likambo ekoyanga ni ayebi mokili yo lelane ya bisengo nobinde mpasi nsima lobinde nzambe mokile tonga makambo likambo ekoyanga ni ayebi soki lelo na wei omengo mpo na bana na ngai likambo ekoya toyebi te nzambe mokile tonga makambo likambo ekoyanga ni ayebi bakomonela ngai mpo nayebisi yo kala nde ngai nalingise yo nzoka yo na motema nayebisi koyo nde olingaka ngai na bolingo ya solo te o yango wana nakomitunaka o motema napesi yo mpo na nini ye nsima ya mwatango di ye nake mobembo natikeli yo mibeko nayebi te soki olandaki mpo tolakanaki tobalana nsima nango mosala eloko nini baboti bayo bapekisi nga na yo tobalana ondimi nyonso balobi nayebi sikoyo yo na motema olingaka ngai kaka moke motema napesi yo mpo na nini ye na mokili oyo tozali ebongi oloba soki olingi te ngai mobali ya bato na bandaka na mboko yo basi batondi bongo naluka na yo ninio libala ya ngai na yo baboti bayo baboyi o koki bolingo ya bomwana motema napesi yo mpo na nini ye balobi mobali oyo yo kekolinga o nautamboka mosusu nainga gigi nayoki sango nga nazali bwayu nanga didi balobi mobali oyo yoke kolinga o nayebani na basi mingio nanga didi nayoki baboti bayo babalisi yo na mobali ya mosolo nanga didi mama balobi mobali oyo yo ke kolinga o auta moka mosusu anga didi oh bayoki sangonga na zali voyou oh mosale zali te anga didi mama balobi mobali oyo yo ke kolinga o Ayepani na basi mingyo, anga didi Oh, nayoki, baboti bayo babali siyo Na mobali ya masolo, anga didi Thank you.

batela mibeko miakati chance ya mokili ezwa makambala mibale te. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour ni ebisanga ce qui a solo dolingani sami mwana ya mabibila na pesi yo autorisation sala yonso mobali akosalaka kopesa masanga na baboti bangai nsima to celebre mariage officieux. Na mibali nyonso ya Congo pamba olekisanga tango te mon amour onazali nano mwana na makila na nzoto oyebi nyonso bolingo soki eumeli epesaka foli na se ya motema bipai biso nakoleka soki batuni ngai nazali kolela mai na miso mpona zangi mobali na Congo sami akatombala na ye sami mwinda ya kolemani na ngai sami akatokwela na ye sami na kati bakobalana mokola samedi tateponi baboti intelektuel na ouvrier bazali kobalana boni ya ngai na yo libala se ya miso musicien etudiant bazali kokwelana boni ya ngai na yo libala ya etekelie toi. Depuis que ma mère m'a née, je n'ai jamais vu de telles choses. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait goum goum goum. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a fui. Je lui ai porté plainte au parquet, chez Maître Gomez, au Mongamio. Je maigrais comme ça, c'est pour la chercher. Depuis Libreville, Port-Gentil, Lambarané, Mouila, Fougamou, Dende Gabon, jusqu'à Franceville, Marie-Jeanne a parti à Congo. Au Mongamio, Django, Yambiao, Bologno, Bolo, Nandéjou. Marie-Jeanne ma Marie, Marie-Jeanne, je t'aime. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne, oh chérie, je t'aime. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, chérie, je t'aime. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Quand je te vois pas, mon cœur est fait goum goum. Yo Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne. Django, Yambiao, Bologno, Bologno. Oh vrai de Dieu, Marie-Jeanne, tu m'as fui comme ça. Je ne peux plus partir chez moi. Je maigris comme ça, c'est pour te chercher. Marie-Jeanne, je t'aime. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Marie-Jeanne. Je t'aime. bolingo makasi, bolingo yoko salaka. Bokutana na kwaya zando, bobo pesana, elaka ya bolingo. Zoka ozali na makango na yo, ako pesa yonde nyoso, bobo pesa ye, nyoso alingaka na se ya motema. Basse Pauline à Kosumba, Janoye mo bateli, beaucoup feli à beauté à moni, Nasi mande à Kanisi, Oyo elombe à moisi. Bolingo yoko salaka Bokutana na kwaya zando Bobo pesana ilaka ya bolingo Nzoka ozali na makango na yo Ako pesa yande nyoso Bobo pesa ye Nyoso alingaka na se ya motema Basse Pauline akosuma Jano ye mo bateli Moku feli ya bote amoni Nasi mande akanisi Oyo elombe ya mwasi Samedi na pokwa bolingo eko zongana Loko lange izalaki Maloba okole bisa Nani manyoso Bolingo ya kisi makasi Samedi na pokwa bolingo eko zongana Loko lange izalaki Maloba okole bisa Nani manyoso Bolingo ya kisi makasi Thank you. querida. Acuyuye sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso. Oye mi mulata, oye mi querida. Acuyuye sabroso. Oye mi mulata, oye mi querida. yo, bako baby sa yo, motema, bobo sa nanga mo batina yo. Kaipena kipate, likamwa ya yes. De retour rapidement en direct. Voilà, c'est la fin de ce premier segment donc dédicacé au Bantou de la capitale. Donc, je répète, l'un des groupes les plus vieux de musique africaine. Donc, toujours en activité. J'espère que cette première salve vous a fait plaisir. On va revenir courant de ce mois-ci le sujet avec une sélection qui là justement ira donc des années 50 jusqu'aux années 80. Donc, histoire de suivre une dernière fois Edu Kanga, Saturna Ponti, Samba Mascotte, Pamela Nika et voilà. Donc, je répète, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec toi. 57e épisode très célèbre, défendu, éclectique, toujours présenté par la Société des Invenseurs. Musique incendiaire, comme Eloman et Pyroman, vous connaissez notre credo, ça ne change pas. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Atakola sala kiyo mabe, otikangai na wale o mama. Kanisa pe malamu, kolanda maloba ya batote. Nazali kaka mobali na yo, limbisa ngai mabe nyonso na sala. Yeah.